Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Il était une fois le roman, une série de Christelle Le Polothèque réalisée par Nathalie Battus. Au départ de cette série, il y a les histoires qui vivent dans nos têtes, les livres qu'on adore, et puis cette rumeur insistante née dans les années 60 qui annonçait la mort du roman, alors qu'il est immortel, tout le monde le sait. Et donc pour commencer, les personnages. Un auteur déçu, une directrice heureuse, une autrice malicieuse, une autre qui constate, une romancière qui admire, un auteur fan de Quichotte et une critique clairvoyante. Ensuite, le décor, l'université, le fantasme de l'écriture, le roman, la modernité, le style, une abbaye, un fantôme, le réalisme, des archives, l'édition, l'ombre de Balzac et la survie ou pas. Aujourd'hui, deuxième épisode, on ne se souvient pas. Mais quand est-ce que j'ai écrit ça? Je ne sais même plus. Enfin, vous voyez, c'est des... Bon, bref. À se demander si les choses ne s'arrangent pas entre elles. Tant parfois elles se combinent au mieux dans l'intérêt général et particulier. En même temps que je découvrais la pesanteur de mon héritage familial et culturel, si peu dans les canons du temps, on m'apprenait, tout juste rentré à l'université où je m'étais inscrit avec l'idée que l'étude des lettres m'aiderait dans mon désir d'être écrivain, que le roman était mort. Mort ? Oui, mort. On se rappelle le petit Antoine Doinel dans Les 400 coups, à qui le professeur demande ce qu'il va bien encore trouver pour justifier son absence à l'école après avoir épuisé toutes les excuses du répertoire. « C'est ma mère. » Et le professeur excédé. « ta mère, qu'est-ce qu'elle a encore ?» Et le petit garçon avec toute sa morgue, « Elle est morte. » Transférons le roman, qu'est-ce qu'il a encore ?« Il est mort. » « Affiche-toi, » répond le professeur en retirant la pipe de sa bouche. « Qu'est-ce qu'il a encore ?» La mort du roman, c'est comme si on avait roulé les cartes du monde. Exploration achevée, affaires classées, avant de les ranger dans un placard de la Troisième République et jeter les figurines qui s'y déplaçaient dans la boîte des soldats de plomb remisés au grenier. Mort du roman. Christelle Le Polothèque et Nathalie Battus. C'est quelque chose que je ne soupçonnais pas. J'avais fait un bac scientifique. Et comme ça m'intéressait moyennement, j'ai bifurqué pour faire des lettres parce que j'avais le goût d'écrire comme ça. Mais j'étais dans un collège tenu par les religieux et donc c'était un collège où la modernité rentrait peu, disons. Et donc pour moi, écrire, c'était simplement un mouvement naturel de l'esprit. C'était s'appliquer à faire de belles phrases, etc. Avec cette chose que je retenais, c'était le lyrisme, c'est-à-dire qu'un texte, ça doit chanter. Et voilà, c'était tout. C'était aussi simple que ça. Et là, j'apprenais qu'un texte, c'était une construction, c'était une structure, ça rendait compte de tas de choses, il y avait une contextualisation, etc. C'est-à-dire que c'était perdre son innocence sur un geste spontané, comme ça, poétique, sur la page. Et cerise sur le gâteau, au passage, le roman est mort. Hein. J'étais pas dans cette idée d'écrire de roman à l'époque, mais enfin, il y avait quelque chose qui était là, dans l'air. Encore une fois, il n'y a pas eu. On n'était pas dans un système dictatorial, il n'y avait pas sous-slof à la baguette pour interdire quoi que ce soit. Donc on voit bien comment, simplement par le fait de la puissance des idées, on peut scléroser, stériliser, toute une. Et terroriser aussi, toute une période de temps comme ça dans un lieu donné. Et donc, la mort du roman est annoncée au nom de la modernité littéraire. Et donc, ça voulait dire que le roman n'est pas moderne. Moi qui avais envie d'être moderne, j'avais pas envie de passer d'emblée pour un écrivain réactionnaire. Enfin, c'est pas une ambition, normalement, hein. Et donc, les deux héros, entre guillemets, les deux mentors, c'était Céline et Joyce. Et avec cette idée que une phrase correcte, bien léchée, c'était un syndrome bourgeois par excellence. Et quand vous lisez Le degré zéro de l'écriture de Barthes, qui est une compilation de textes, hein, et au début il parle de style, on est en 1949 dans ses premiers textes, et puis peu à peu il abandonne l'idée de style qui marquait une excellence. Quelqu'un qui avait du style, c'est quelqu'un qui n'écrivait pas comme tout le monde, quelqu'un qui pouvait être regardé comme un artiste. Et il remplace l'idée de style par l'idée d'écriture. Dans le style, il y a une hiérarchie. pas dans l'écriture. Du coup, l'écriture avait cette vertu d'être parfaitement égalitaire, de ne plus introduire de hiérarchie dans la création. Et ce nivellement comme ça, au nom du rejet de toute autorité, c'est aussi l'héritage de 68, faisait que comment se distinguer si tout est écriture, hein? Et donc ça, moi j'ai bataillé avec ça pendant 10 ans pratiquement. Look, look, the dust. My branch has lost location and my soul hair is gone ashy. Hilo, what age is that? It soon is late. 'Tis endless now since I ran one last saw Waterhouse's clock. Au XXe siècle, les romanciers français, tout particulièrement, ont dû faire face à deux écueils. D'un côté, Marcel Proust et la recherche du temps perdu, horizon difficilement dépassable, et de l'autre, Roland Barthes, qui signe en 68 la mort de l'auteur. Au cours du siècle, le roman se débarrasse peu à peu des oripeaux du réalisme et de la psychologie, en passant par toutes les transformations, de la révolution surréaliste au nouveau roman. Pour enquêter sur ces nombreuses morts et résurrections du roman, nous nous sommes rendus à Caen, en Normandie, et plus précisément à l'abbaye d'Ardennes, qui accueille l'IMEC, l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine. C'est Nathalie Léger, la directrice, qui nous guidera dans les sous-sols de l'abbaye, où sont soigneusement conservées les archives, brouillons, tickets de métro, factures de chambres d'hôtel, manuscrits annotés, journaux intimes, photographies et cahiers d'écoliers. Quand on est arrivé, ce bâtiment était totalement c'est même pas de la décrépitude, c'était de la ruine intérieure. Le sol était grévé de tombes. Bien sûr, les oiseaux nichaient partout, il n'y avait pas une clôture, pas un vitrail, pas un bout de verre qui protégeait quoi que ce soit. La voûte en bois, qui est très belle, était totalement effondrée, on ne pouvait pas s'avancer. Et surtout, tout ça était tout petit et gris, obscur. Dehors, il y avait la pluie, le vent, on s'est dit on n'arrivera jamais à faire une grande bibliothèque où la recherche internationale viendra travailler. Je crois que aujourd'hui, on peut démontrer que nous nous étions trompés, c'est-à-dire que le lieu est chaleureux, très habité, et les chercheurs, c'est ce qu'ils nous disent en tout cas, ils travaillent très bien et dans une qualité de calme assez admirable. Donc vous découvrez les bibliothèques au fur et à mesure qu'on avance, la présence des livres apparaît et la structure aussi dans laquelle on peut se déplacer. Mais on va arpenter l'ensemble et puis on va monter aussi dans les étages. À l'IMEC, on m'avait autorisé à garder la clé de ma chambre et le pass électronique qui donne accès à l'abbatiale quand j'avais réglé ma première semaine le vendredi soir et je n'ai même pas eu besoin de passer à l'accueil. Je suis allée déposer mes affaires à la résidence et j'étais le premier à pénétrer dans la salle de lecture, exactement un quart d'heure après l'ouverture de l'abbatiale, en terrain conquis. Une semaine a largement suffi pour que je me sente ici chez moi. Les règles de vie, à l'image de celles qui observaient au XIIe siècle les chanoines de Prémontré, à l'exception des vigiles nocturnes, en fait rien de nocturne n'est prévu, ou en tout cas codifié par l'IMEC, sont simples, routinières. Les chambres actuelles sont certes beaucoup plus vastes que les cellules d'origine, mais tout aussi dépouillées. Les repas sont pris en commun dans un relatif silence. Silence imposé non par un ordre religieux, mais par la maîtrise aléatoire d'une langue commune. Le niveau d'anglais des chercheurs français ne leur permettant guère de conversation soutenue avec les chercheurs étrangers. Les sujets abordés et vite abandonnés, les universitaires répugnent à maltraiter les verbes irréguliers et préfèrent donc se taire, restent conformes sans doute à ce qu'étaient ceux de nos prédécesseurs médiévaux. En rapport avec de grandes questions, mais traitées avec une certaine trivialité, lorsqu'un des convives explique que tel philosophe est difficile à lire, il faut comprendre qu'il écrit tout petit. Là, on descend au sous-sol de l'abbatiale. Donc, on emprunte ce couloir et on passe de l'autre côté, si ça vous va. Là, on est au sous-sol. Dès qu'on est dans des lieux pareils, ne sort jamais sans ses, clés ni sans ses billes. Ici, il y a 2500 m², on peut y conserver 18 km d'archives. C'est là que nous conservons les archives, c'est donc un lieu qui est très protégé, mais surtout où règnent des conditions d'hygrométrie indispensables à la conservation des archives qui nous sont confiées. Ça a commencé comme ça, comme une blague. Peut-être écrire, me suis dit, je pourrais. C'est un peu le paradis ici. J'avais déjà commencé des livres que j'avais abandonnés. J'avais oublié les titres. Il y a beaucoup de choses ici, hein. Il y a Chéreau, il y a Duras, Althusser là au début, Chéreau hein, au milieu et Duras ici. Ça suit à peu près l'ordre alphabétique. Et là, je découvre la première boîte que je prends là, c'est Moderato Cantabile. Vous en avez de la chance. Quand même, tu pourrais t'en souvenir une fois pour toutes. Moderato, ça veut dire modéré. C'est presque pareil. Et Cantabile, ça veut dire chantant. Là, vous voyez quelques fantômes, qui est un des habitants, un des résidents permanents de l'abbaye, puisque chaque fois qu'on retire un document, il y a toutes ces mentions qui indiquent la présence d'une absence, en fait. C'est le rôle du fantôme dans toutes les bibliothèques. Et ici, il y a plusieurs choses, là, parce qu'au fond, le nouveau roman était tellement important qu'il irrigue une grande partie des archives de l'IMEC. On voit, là, tout de suite, les romans blancs, tentatives de description. Et ça raconte quelque chose de cet effort de nomination du nouveau roman. On a dit roman expérimental, on disait le jeune roman, bien sûr, on a parlé d'anti-roman, ça c'est une vieille formule. Le roman expérimental aussi, d'ailleurs, c'est une formule très ancienne. Je crois me souvenir que Zola l'avait utilisé pour nommer son manifeste du roman naturaliste. Alain Robbe-Grillet, j'ai pensé quant à moi, en lisant Les Gommes, pour Sulvoyeur, non, en lisant tous les deux, et tous ces deux romans, à l'art de certains metteurs en scène de cinéma et presque oui, de cinéma muet. Je voudrais dire qu'il y a justement dans le cinéma, à l'heure actuelle, un réalisme assez différent de celui de la littérature. Quand, dans un roman psychologique, on dit par exemple tel ou tel personnage fit tel geste, ce geste est toujours accompagné de son commentaire, mettons psychologique, puisque le roman contemporain est surtout oui, psychologique. Oui. Et on dit il eut un geste amical, oui, n'est-ce pas? Tandis qu'au cinéma, c'est la main oui, qui fait le geste. Et c'est ça que j'appellerais le réalisme du cinéma. Eh bien, c'est évidemment une manière, non pas toute nouvelle, mais certainement audacieuse, hardie et passionnante de concevoir l'art romanesque. Ce que l'on peut souhaiter, c'est que la réputation d'avant-garde dont vous jouissez ne détourne pas le lecteur qui dévore du Simenon et du Balzac, oui, de lire Alain Brogriet, qui est à la fois un écrivain, donc réaliste comme il vient de le définir, qui supporte aussi des interprétations qui peuvent aller extrêmement loin. Et donc, on a parlé de jeunes romans, de romans du futur, c'est Claude Mauriac justement parlant de Robbe-Grillet. On voit comment le nouveau roman s'est joué tout autant sur le terrain de la théorie, là-dessus il y a un apport incroyable de Robbe-Grillet, que sur le plan des médias, hein. C'est-à-dire que l'énormité du dossier de presse, les combats réguliers jusque à la fin des années 70, montrent l'intensité de ce qui s'est joué dans ces années-là. Et au fond, on peut que se réjouir que des livres aient suscité autant d'encre. Parce que là, on peut vraiment le dire, beaucoup d'encre a coulé. Je n'ai jamais dit qu'il fallait arrêter de lire Balzac. J'ai dit simplement qu'il fallait savoir que c'était un écrivain du 19e siècle et que nous étions au 20e et que si Balzac vivait aujourd'hui, il n'écrirait pas comme il écrivait en 1850. Et j'ai réagi contre la critique littéraire en place, j'ai réagi contre les dogmes de cette critique, c'est-à-dire contre une critique qui imposait comme forme littéraire du roman pour toujours, par une espèce de justice de droit divin, une forme qui était très récente et qui était celle qui avait vu son apogée au moment du triomphe de la société bourgeoise en France. Croyez-vous qu'elle l'imposait, cette critique? Ah, elle l'imposait. Elle disait peut-être, ou elle écrivait, c'est jusqu'ici ce que nous avons vu ou lu de mieux. Non, elle l'a imposé au nom du mot roman. Si on regarde l'évolution du roman, si vous voulez, de Cervantes à Balzac, là, il y a eu énormément de ruptures. Tiphaine Samoyo. De transformation de la forme. À partir du XXe siècle, évidemment, il y a eu des recherches formelles à partir du roman, mais l'esprit du roman, l'imaginaire du roman est resté à peu près identique. Et la manière dont il s'est déployé à travers le monde, dont il s'est mondialisé, c'est selon ce programme-là. Voilà. Et encore aujourd'hui, le programme du roman ou de l'imaginaire du roman, dans l'esprit de la plupart des gens qui pensent à ce mot de roman, ne s'est pas transformé. Alors, évidemment, si on s'arrête sur des cas, on va voir des particularités, mais je veux dire, même le soi-disant nouveau roman qui transformait complètement le rapport du roman au réel, en réalité, si on le regarde de près aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il n'est qu'une variante de ce programme réaliste du roman. C'est une variante qui s'intéresse, qui expérimente. Hein. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des très très grandes œuvres, au contraire, hein. Je pense que c'est un programme qui a accompli le roman. On pourrait tout regarder, mais ce serait beaucoup trop long. Mais celui-là est drôle. Il y a la fameuse image devant les éditions de Minuit, l'espèce d'emblème comme ça du nouveau roman, pour moi, qui est une image intéressante. Il y a ceux qui sont présents, il y a ceux qui sont absents. Mais j'adore celui-là, le nouveau roman devant le laboratoire. Le laboratoire, c'est donc rue Bernard Palissy, le laboratoire des éditions de Minuit. Et c'est vrai que ils ont été tout à fait, Jérôme Lindon a été tout à fait... majeur, hein, dans la manière dont il a accompagné cette écriture d'avant-garde. Ça, les éditions de Minuit, leur rôle a été et reste essentiel. Le papier commence comme ça. On dirait des chômeurs attendant patiemment à l'entrée du bureau d'embauche, ou encore des élèves chenus d'une école privée mixte qu'on a envoyés en récréation sur le trottoir. Bon. Il y a autant une très très grande qualité critique qu'une espèce de déferlement de... Oui, c'est ça. C'est-à-dire, sur la photo, on voit donc Alain Grillet, Claude Simon, Claude Mauriac, Jérôme Lindon, Robert Pinget, Samuel Beckett, Nathalie Sarraute et Claude Ollier. Donc c'est pour l'école mixte, Nathalie Sarraute. Oui, elle est un peu seule. Je pense qu'il est impossible de se voir soi-même. On voit un trait, mais en même temps, on en voit un autre opposé, parce que nous avons tant en nous de traits différents que nous changeons à chaque instant. Et qu'au contraire, les autres, nous les voyons du dehors, nous les simplifions, et nous pouvons en faire des personnages que nous aimons ou que nous n'aimons pas. Mais vis-à-vis de soi-même et de cette masse mouvante que nous sommes, je ne vois pas comment on peut l'aimer ou la détester. Elle est tout. Elle est l'univers entier. Tout le monde avait envie d'être publié chez Minuit, parce que c'était évidemment le must, c'était que par là passait la modernité littéraire. Alors, ce qui m'intéressait, c'était cette désintégration du personnage. Disons que, de même que le sujet d'un tableau, c'est la peinture, bien le sujet d'un roman, c'est l'écriture. Donc, c'était recevoir le sceau de cette modernité littéraire, et avec ça, d'être blanchi. Jean Roux. C'est-à-dire que vous ne risquiez pas, justement, l'étiquette infamante de réactionnaire et tout. Vous étiez chez Minuit, vous étiez tranquille. Et puis, il y a tout le plus beau catalogue de littérature de la deuxième moitié du XXe siècle, il est à Minuit. Chez Gallimard, vous avez Tournier, Le Clésio, Modiano qui est arrivé après. Mais la liste des auteurs Minuit est assez impressionnante, d'auteurs marquants. Non seulement la période du nouveau roman avec Claude Simon Rubrier, mais aussi après avec Echenoz, Toussaint, etc. Et donc, pour moi, l'important, c'était pas d'être publié à tout prix, c'était d'être reconnu comme un écrivain dans la cour que j'avais envie de fréquenter, c'est-à-dire celle de la modernité littéraire, de la pointe de la littérature, celle de l'invention poétique, pas du ressassement du même. Oui. Et donc, je suis accueilli chez Lindon, c'est accueilli avec son humeur, que c'était quelqu'un d'assez austère, et puis très rude dans ses propos. Et je n'ose la raconter. Hein. Et donc, il vous faisait la leçon. Et alors, la stupeur pour moi, c'est que j'avais envoyé un texte qui, dans mon esprit, était un texte de modernité littéraire comme ça. Il me convoque, avec une lettre où il me dit il y a là l'amorce d'une grande œuvre ou d'une œuvre importante, je ne sais plus. J'aimerais en parler avec vous. Donc il me convoque et pendant, il m'a reçu deux fois deux heures. J'étais rien. Et j'en ai des journaux à ce moment-là. Et il me dit, et là j'entends ça avec vraiment stupeur, il me dit, il faut faire un roman. Et des choses que je n'aurais pas accepté d'un autre éditeur, en disant, oui ça va, les histoires, les personnages, ça c'est bon pour les ringards, etc., tombant de la bouche de Lindon, c'est-à-dire de celui qui avait été le promoteur de nouveaux romans, l'éditeur de Beckett, etc., donc de toute la modernité littéraire, il y avait quelque chose de vraiment de surréaliste. J'entendais presque une sorte de coming out poétique de la part de Lindon, qui mettait en avant toutes les vertus du roman et du récit. Et alors, encore une fois, c'est comme si Badiou faisait soudain l'éloge du libéralisme, quoi. Vous voyez, c'était... Il y avait quelque chose de, à la fois d'extraordinaire, parce que ça a débloqué un vrai trauma, ce trauma de la mort du roman qui empêchait, au nom de la modernité littéraire, de raconter des histoires, tout simplement, comme disait Henry James. C'est à la fois, il me donnait l'autorisation, vous pouvez y aller, et ça voulait dire tout réapprendre, c'est-à-dire réapprendre à raconter, à décrire, etc., tout ce qui fait tous les fondamentaux du roman réaliste, quoi. Et ici, dans une pochette, oui, je vous remercie. Tout doucement, merci beaucoup. Nathalie Léger. Grand format, on a Moderato Cantabile, rejet, manuscrit. Donc là, ça, ce sont des ensembles dont on sait qu'ils ont été écartés par l'auteur. Et on voit que les esquisses donc, et les rejets sont nombreux. Hein, ça constitue une part importante du manuscrit final. On voit aussi, en page de gauche, des tentatives. Mais au fond, c'est ça aussi qui est très beau. Quand on connaît l'œuvre de Duras, quand on connaît Moderato Cantabile, tout ce travail très fragmenté est rendu plus fragmenté encore, puisqu'il y a des rejets, il y a des pages éparses, il y a des bouts qui sont dactylographiés sur des feuillets en papier pelure. Ça fait totalement écho à la structure même du livre. Hein, ces deux personnages qui se... Enfin, disons, cet homme, cette femme, qui se rencontrent et dont on ne saisit jamais vraiment ni le mobile, ni le motif de leur rencontre, et certainement pas le destin de leur histoire. Et cette espèce de suspens permanent qu'il y a entre cet homme et cette femme qui boivent du vin dans un café, non loin des quais. Ben, c'est presque comme si la structure du brouillon racontait déjà quelque chose de ce côté très, très suspendu, très insaisissable de cette rencontre. L'insuccès, à mon avis, n'existe pas. Marguerite Duras. Je veux dire, l'insuccès immérité n'existe pas. Le succès peut être tardif, mais il doit arriver, tôt ou tard. Le choix que j'ai fait aujourd'hui avec un... grand plaisir, je voulais le faire depuis très longtemps. Et je voudrais que beaucoup d'écrivains le fassent à leur tour. Parce que moi, je ne connais qu'une dizaine de chefs-d'œuvre méconnus, mais si on s'y mettait à tous, on pourrait peut-être hâter le succès de ces œuvres-là. J'ai donc choisi, entre autres, Hélène Bessette. Hélène Bessette est née à Levallois. Fiancée à un théologien, puis... femme de pasteur, elle a fait un séjour assez long en Nouvelle-Calédonie où elle a fondé un journal religieux. Elle s'est séparée de son mari, séparation qui fait l'objet d'ailleurs de son dernier roman, N'avez-vous pas froid ? Et elle vit actuellement en Suisse. Lily pleure, c'est le roman de Lily qui pleure parce qu'elle aime un berger et qu'elle a une mère abusive qui veut la garder chez elle et qui la garde parce que Lily est très faible. Je crois que ce qui serait plutôt à renouveler, encore plus que la forme, c'est le fond du roman, n'est-ce pas ? La grande humanité que doit transmettre un auteur. Hélène Bessette. Naturellement, il y a la forme. Il faut passer du figuratif à l'abstrait. Il faut se mettre dans le mouvement de l'évolution des arts, c'est certain. On est passé par toutes sortes d'écoles, n'est-ce pas ? J'ai parlé beaucoup du surréalisme tout à l'heure, mais c'est la principale école, il n'y en a pas eu depuis, n'est-ce pas ? Il n'y a pas eu de grand mouvement littéraire depuis. Je ne sais pas si c'est la guerre qui a arrêté, mais depuis, il n'y a guère eu que toutes sortes de choses par voie de conséquence, mais il n'y a rien eu de neuf, rien de fort, rien de puissant. Il n'y a pas eu de groupe. Écrire dans la rupture résolue, avec le bruit, le rapide, le bâclé, les solutions faciles, le grosso modo, le grosso ficelle, les solutions cousues de fil blanc. Une incongruité littéraire, Hélène Bessette. Ancienne institutrice, mariée à un pasteur évangélique qui l'entraîne jusqu'en Nouvelle-Calédonie, elle est éditée par Raymond Queneau chez Gallimard entre 1953 et 1973. Pionnière du roman poétique, elle souffre de l'absence de reconnaissance et sombre peu à peu dans la folie. Elle est morte dans l'anonymat le plus complet en 2000. Je pense que la notion de fragment et d'absence de linéarité, c'est un petit peu pour moi le fil directeur, en tout cas, de ces œuvres qui m'intéressent. Et donc Hélène Bessette explique que pour elle, le roman, elle le lit pas mal aux deux guerres, effectivement, à cette ambiance de... Laure Limongi. Voilà, de perte de repères, peut-être. A beaucoup de retard sur les autres arts. La peinture, la musique de l'époque, elle dit mais vraiment il y a que des espèces de genre de vieux romans un peu plan-plan qui sortent et moi ça m'ennuie terriblement. Et donc elle crée ce qu'elle appelle le roman poétique, c'est-à-dire que c'est un roman qui va s'emparer d'autres outils. C'est un roman qui est très vocal, on entend vraiment les voix des personnages de manière quasiment autoritaire, un peu comme le chandéisme quoi. C'est une autrice très autoritaire, Hélène Bessette, très typographique. Il y a vraiment une mise en page, d'où peut-être la poésie dans le roman. Et une présence aussi, voilà, puisque je parlais de chandaïsme, une présence vraiment très forte de l'autrice, qui parfois est pas très loin de l'autofiction, on sait pas trop, que ce soit dans Suite Suisse, même dans Materna, enfin, dans pas mal de ses livres, il y a une sorte de double de l'auteur comme ça qu'on entend. Donc vraiment, pour moi, Hélène Bessette, elle. On pourrait, évidemment, les œuvres de Sarraud, Duras, enfin, il y a beaucoup d'autres œuvres du nouveau roman, mais elle est un petit peu moins connue et je pense qu'elle est très importante dans ce jalon-là parce qu'elle est révélatrice de beaucoup de choses. Enfin, quand on relit ses œuvres aujourd'hui, c'est vraiment extrêmement, extrêmement important. Alors, personnellement, je n'ai aucune étiquette et j'y tiens énormément. Je prétends me placer au-dessus de toutes les opinions courantes pour d'abord avoir la liberté d'exprimer l'opinion que j'ai choisie, et puis ensuite, parce que je crois sans doute, c'est n'est-ce pas manifestement un complexe de supériorité, que mon opinion que je choisis délibérément est supérieure à toutes celles que je pourrais trouver dans un groupe quelconque, qu'il soit politique ou religieux. Pour en revenir à la page 20, c'est un enfant qui paie pour des grandes personnes. Les grandes personnes sont ses parents. Aucune importance. L'important est qu'il y a des grandes personnes et un enfant. Et c'est l'enfant qui paye. Parce que les grandes personnes n'avaient pas le courage de payer. Elles savaient. Elles se rendaient compte. Et c'est si facile de faire payer un enfant. De faire payer un plus faible. Celui qui est accablé par une infériorité de situation. Et l'enfance est une situation inférieure. C'est donc l'enfant qui paiera. Ça lui sera plus facile qu'à nous. D'autant plus qu'il ne sait pas exactement ce qu'il paie. Il le sait en gros. En gros, son père est mort et il l'a tué. Il est bien gentil et il dit oui. Parce qu'un enfant dit toujours oui aux grandes personnes. Va chercher le journal. Oui. Ouvre la porte. Oui. Essuie tes pieds. Oui. Éteins la lumière. Oui. Sectionne le téléphone. Oui. Coupe le courant. Oui. Débarrasse-moi du revolver. Oui. Tue ton père. Oui. Tu as tué ton père ? Oui. Il n'a pas dit oui tout de suite. Il a attendu 8 jours pour dire oui. Hélène Bessette, 20 minutes de silence. Sur mon cou, sans armure et sans haine, mon cou, que ma main plus légère et grave qu'une veuve effleure sous mon col, sans que ton cœur s'émeuve, laisse tes dents poser leur sourire de loup. Oh viens, mon beau soleil, oh viens, ma nuit d'Espagne, arrive dans mes yeux qui seront morts demain. Arrive, ouvre ma porte, apporte-moi ta main, mène-moi loin d'ici, battre notre campagne. Le ciel peut s'éveiller, les étoiles fleurir et les fleurs soupirer, et des prés l'herbe noire accueillir la rosée. où le matin va boire, le clocher peut sonner moi seul. Je vais mourir, oh viens, mon ciel de rose, oh ma corbeille blonde, visite dans sa nuit ton condamné à mort. Arrache-toi la chair, tu escalades mort, mais viens, pose ta joue contre ma tête ronde. Nous n'avions pas fini de nous parler d'amour, nous n'avions pas fini de fumer nos gitanes. On peut se demander pourquoi les cours condamnent un assassin si beau qu'il fait pâlir le jour. Amour, viens sur ma bouche, amour, ouvre tes portes, traverse les couloirs, descends, marche léger, vole dans l'escalier, plus souple qu'un berger, plus soutenu par l'air qu'un vol de feuilles mortes. Oh, traverse les murs s'il le faut, marche au bord des toits, des océans, couvre-toi de lumière, use de la menace, use de la prière, mais viens, oh ma frégate, une heure avant ma mort. Évidemment, il y a eu plusieurs âges d'or du roman, et on pourrait aller bien avant le roman réaliste. Il se trouve que le roman réaliste invente une manière de faire du roman, comme à chaque âge d'or du roman. C'est l'invention d'une manière de faire avec lui, de faire avec sa forme. Et ce qu'invente le roman réaliste, c'est Tiphaine Samoyon, le questionnement de l'histoire avec la littérature. Alors qu'avant, on peut dire que ce qui était questionné, c'était l'aventure, le rapport à l'infini et au fini, l'intériorité avec le roman du 18e. Et puis voilà, tout d'un coup, ce qu'invente le roman réaliste, c'est le rapport à l'histoire, le rapport à la société. Et donc je pense que cette invention-là a été... on n'en est jamais sorti véritablement. Il n'y a pas eu vraiment d'autres romans, questions fondamentales posées par le roman. On continue encore aujourd'hui, tout le XXe siècle a fait, à questionner avec le roman la complexité du réel, de l'histoire et du social. Alors avec des moments particuliers et avec surtout la fin du pouvoir mimétique, enfin la fin de la pensée que le roman pouvait répondre à cette question du réel en le totalisant, en le quadrillant. Voilà, je dirais que les évolutions ultérieures, c'est la conscience que le roman doit continuer à faire cela, mais conscience de son impossibilité en même temps de le faire. Et ce qui s'est peut-être ajouté, je dirais, dans la suite, au XXe siècle, c'est le questionnement sur le temps, qui a peut-être donné une nouvelle forme, un questionnement sur le temps, qui peut s'inscrire à l'intérieur de ce rapport au réel et à l'histoire, mais qui lui a donné un peu une nouvelle forme, questionnement sur le temps passé avec Proust ou sur le temps présent avec Joyce, qui ont été le signe d'une modernité, d'une transformation du roman. Ensuite, je pense pour ma part qu'il n'y a pas eu véritablement de transformation fondamentale. Tout le rapport du roman à la mémoire s'inscrit dans ces deux tendances. Le rapport actuel du roman au document s'inscrit aussi dans le même rapport au roman réaliste. La seule chose qu'il y a, c'est une forme d'épuisement du roman que l'on peut signaler pour la période contemporaine, disons. À la base, un roman ne peut m'intéresser que s'il a cette dimension réflexive et s'il a cette dimension de méta-roman. Et la façon dont moi j'ai choisi de pratiquer cette réflexivité et cette dimension méta-romanesque, Laurent Binet, c'est à la manière ludique, qui est celle augurale un peu de Don Quichotte, où à mon avis, Don Quichotte bascule vraiment dans la modernité au début du deuxième tome, où le personnage de Don Quichotte, dans une taverne avec Sancho Panza, tombe sur le tome 1 de ses aventures, ses propres aventures, et découvre que ses aventures sont devenues un livre. Et c'est cette scène géniale où il lit ses aventures et où il est scandalisé. Il est en désaccord complet avec le récit de ses propres aventures. Il y a cette espèce de conversation ludique entre le tome 2 et le tome 1. Et à mon avis, ça, c'est ce qui fonde le roman moderne, sachant que vous savez que Kundera a distingué deux grandes branches du roman. La branche héritière de Don Quichotte, Rabelais, Diderot, le neveu de Rameau, Jacques le Fataliste, Sterne, Tristram, Shandy, etc. Et puis la branche plus post-princesse de Clèves, si vous voulez, pour aller vite, balzacienne, qui est la branche qui a gagné, en fait. C'est-à-dire, en gros, la branche réaliste psychologique. Et donc, qui a donné, évidemment, de grands chefs-d'œuvre tout à fait passionnants. Mais cette branche-là, elle, ne creuse pas la veine méta-romanesque ludique. Alors bon, la veine fantaisiste pour faire court, mais avec cette dimension méta-romanesque. Et il me semble qu'encore aujourd'hui, disons une très large majorité, peut-être 75% de la production, est dans une optique post-balzacienne, mais avec des variantes. Si vous voulez, par exemple, un auteur comme Houellebecq me semble, lui, être très post-balzacien. Sauf que, de temps à autre, par exemple, c'est dans La carte et le territoire, il met en scène sa propre mort et son enterrement avec Solers, Beck BD qui sont à l'enterrement, etc., etc. Et donc ça, c'est, à mon avis, une petite part de méta-romanesque injectée dans un roman qui, par ailleurs, est somme toute réaliste, classique. S'il avait eu le temps, Balzac aurait peut-être déjà tout fait, quoi. Il n'y aurait plus aucun roman à écrire après. C'est monstrueux, Balzac. Michel Houellebecq. Balzac, ça m'écrase de temps en temps, de penser à lui. En même temps, ce qu'il y a de bien chez lui, c'est que de temps en temps, il fait n'importe quoi. Et donc c'est rassurant, quoi. C'est écrasant par l'ampleur de ce qu'il a brassé. Mais c'est pas intimidant par la réussite dans le détail. Bon, je serai jamais aussi bon romancier que Balzac, quoi, mais personne ne le sera, je veux dire. Enfin, ça me paraît. Balzac, il a engendré énormément, enfin, même après lui. Par exemple, c'est très différent du cas de Proust. Proust, il referme la porte derrière lui, quoi. Donc, ce que j'avais appris quand même à l'université, c'était ça, qu'un roman, c'était une construction. C'était pas simplement un petit bonheur de la chance comme ça, et que ça disait, que ça contextualisait, que c'était simplement autre chose qu'un bon moment de lecture. Jean Rouault. Moi, je suis allé à ce moment-là dans privé de réel, puisque le réalisme, on appelait ça l'illusion référentielle. C'est-à-dire, c'était vain d'essayer de faire croire qu'en alignant des mots, on allait pouvoir décrire un tableau, ou un coucher de soleil, ou une voiture passant dans la rue. Donc, l'illusion référentielle, un texte ne renvoyait qu'à d'autres textes, etc. Cette espèce de texte pas d'Amsès, d'un infini. Et donc, l'illusion référentielle faisait que toute prétention à rendre compte du réel était aussi là, considérée comme parfaitement réactionnaire, bourgeois. Et puis, comme ça allait très vite, vous vous retrouviez avec fasciste, simplement pour avoir décrit votre grand-père. Et donc, je me suis nourri, quand j'ai vu cette difficulté-là à aborder le réel, je me suis nourri notamment de deux auteurs américains qui ont beaucoup compté pour moi, c'est Kerouac et Miller, qui eux, on voit bien que c'est là qu'on voyait que la problématique de la mort du roman était bien française, parce que la recherche sur la forme, elle est chez Kerouac, elle est chez Henry Miller, mais elle passe pas par ce rejet du réel. On n'écrit pas comme on se souvient ou comme on imagine. Claude Simon. On oublie que le discours ne reproduit jamais ce qui se passe dans une conscience ou dans un inconscient. Le plus réaliste en apparence des monologues intérieurs est toujours, avec plus ou moins de réussite, soigneusement construit et composé. Et à cet égard, l'une des réussites les plus totales, c'est le fameux monologue de Molly Bloom à la fin d'Ulysse. Alors certainement, notre mémoire et notre imagination travaillent par association, et mes textes fonctionnent aussi très souvent de cette façon. Mais dans notre mémoire ou dans notre imagination, rien n'est organisé. Je veux dire, rien n'est composé, rien n'est structuré. En fait, ça se passe un peu comme dans la fameuse écriture automatique des surréalistes, oui. Où on ouvre sans cesse des parenthèses qui ne se referment jamais, de sorte que le discours n'a littéralement ni queue ni tête et finit tout simplement par se perdre dans les sables. Une des plus grosses sottises, je crois, qu'on ait écrite à propos de Proust, c'est qu'il explorait la mémoire. Grâce à Dieu, il a fait tout autre chose qu'explorer la mémoire, parce que s'il s'était contenté de faire ça, ben, il se serait perdu dans un dédale de couloirs qui ne l'aurait mené ni lui ni son lecteur à rien, ce qui n'est pas précisément le cas. Quand il y a le colloque de Cerisy sur Claude Simon, à ce moment-là, et moi je me souviens très très bien, non pas du colloque parce que je n'y étais pas, mais de comment était perçu Claude Simon, c'était juste comme une espèce de grand forgeron de la phrase, etc. Personne ne disait qu'il avait raconté son histoire. et qu'à travers son histoire, il avait raconté l'histoire de France. Or, tout Claude Simon, c'est le Malais Isaac du XXe siècle. Et donc, c'est Claude Simon qui raconte ça à Goguenard. Au colloque de Cerisy, il y a quelqu'un qui se lève, il dit « Mais en fait, ce qu'a raconté Claude Simon, c'est vrai, j'ai reçu une lettre d'un colonel qui était avec lui, ou en tout cas ayant vécu une situation semblable, c'est-à-dire des hommes à cheval face à des blindés ou des mitrailleuses. Donc on voit bien qu'est-ce qu'il va gagner. » Et alors, stupeur dans la salle, comment Claude Simon aurait cédé à l'illusion référentielle, alors il y avait pire encore que ça, c'était de se mettre en avant, c'était le jeu. Le sujet était évidemment honni au nom d'une lutte des classes. Enfin, c'est le jeu par un « on ». Et alors, à ce moment-là, il y a Robriet qui sent le péril et qui dit « on ne va quand même pas prendre des leçons de littérature d'un colonel de cavalerie ». Et tout le monde rigole. « Ouf, c'est bon, on peut passer à autre chose ». On voit bien que cette restitution du réel était impensable à l'époque. Et c'est là qu'on a vu tous ces textes abscons, vous voyez, sans queue ni tête, avec des phrases sans ponctuation, déconstruites, syntaxe bouleversée, etc., pour faire moderne. C'est le projet qu'on mène avec les chercheurs. C'est-à-dire ces petites communautés provisoires, ça, qui s'organisent, qui se défont, qui se refont autrement. Ça fait de ce lieu une espèce de terrain d'aventure, de jeu, un terrain de jeu. C'est la première fois que je réside dans un centre d'archives et j'ai fait deux ou trois découvertes à l'occasion de ce premier dîner. D'abord qu'au lieu de demander aux autres convives comment ils s'appellent ou ce qu'ils font dans la vie, on suit un rituel particulier pour établir le contact qui consiste à nommer le fond qu'on est venu consulter. La dame aux cheveux très courts et au bandeau violet est venue pour Violette le Duc. Le blond au catogan, qui est autrichien et ne parle que l'allemand et l'anglais, travaille sur Derrida. Il y avait deux autres messieurs ce soir-là qui étudiaient l'un Castoriadis, l'autre Foucault. Fallait-il en conclure que la recherche, en tout cas lorsqu'elle porte sur les archives d'auteurs du XXe ou du XXIe siècle, est genrée, comme disent mes jeunes collègues, les seuls mâles s'attaqueraient à des philosophes, mâles eux aussi, tandis que les femelles se contenteraient de romancières, le duc, ou de cinéastes spécialisés dans les dilemmes sentimentaux ou moraux, Romer. Autre découverte, la cuisine à Limec est excellente. C'est bien Limec alors ? Super. Ouais. Ouais, non, c'est un très très bel endroit et tout, mais moi je suis assez loin en fait. La première fois, si j'y suis allée en fait, quand on a commencé à faire des journées d'études avec un collègue de cinéma sur Romer, c'était au moment de la parution de la bio de Beck et Herp. Mais sinon, moi j'ai pas tellement besoin d'y aller. Et... C'est pas des Nespresso, hein, c'est assez artisanal. Vous les fumez ? Bah peut-être. Non, pas comme à l'époque. Ouais. Ah non, moi là, ça fait 3 ans, j'ai vraiment arrêté. Je vapote. Julie Wolkenstein, vous êtes universitaire, traductrice et romancière. Qu'est-ce que c'est pour vous que le roman ? Pour moi, c'est d'abord le roman anglo-saxon. Quand j'étais jeune, ado, petite, je lisais évidemment de la littérature française. D'abord parce qu'à l'époque, on n'enseignait que ça dans le secondaire. Ça a un peu changé, je crois, heureusement. Mais on travaillait essentiellement sur la littérature française. Et je la connais aussi, et je l'ai lue aussi. Pour moi, le roman, enfin celui qui me séduisait le plus, que je ne lisais qu'en traduction, c'était le roman étranger. Peut-être aussi parce que j'avais un père qui était lui-même romancier et français, et que donc ça m'extrayait de cette espèce de filiation dont je suis très très contente. Mais enfin, c'était plus mon domaine, je pouvais plus me l'approprier. Et j'en ai conçu l'idée qui est probablement fausse, mais qui était très ancrée, que les romanciers américains et anglais que je lisais croyaient plus aux romans que les romanciers français, qu'ils avaient une forme de confiance, en tout cas dans les histoires, dans le récit, alors que assez vite j'ai cru comprendre, peut-être à tort, que le roman français, en tout cas récent, je parle de récent, moi j'ai découvert tout ça dans les années, disons, fin des années 70, début des années 80, ne cessait de se poser des questions sur la nécessité de raconter une histoire, la validité de la forme romanesque, et moi je ne me posais aucune question. J'aimais qu'on me raconte des histoires et je trouvais que les romanciers anglo-saxons le faisaient avec moins de complexe et avec plus une forme de foi dans la nécessité et la force des histoires. Donc pour moi c'était ça, je crois, et ça a l'air un peu resté. Mais moi, quand je suis arrivée en Hippocagne, on m'a pas dit que le roman était mort. Mais en revanche, on m'a dit que c'était pas la peine de nous faire d'illusions, que comme on ne serait jamais Chateaubriand, il fallait renoncer tout de suite, que ça n'avait vraiment, c'était pas pour nous. Donc il y avait aussi cette forme de, sinon d'interdit, du moins un manque d'encouragement très net, qui moi, c'est vrai, un peu pas détourné, mais un peu inhibé pendant quelques années. C'est-à-dire qu'en gros, entre 16 et 27, 28 ans, d'abord, ça me prenait beaucoup de temps quand même, les études. Et puis, j'avais beaucoup plus peur que je n'avais eu peur enfant, ou quand je commençais à écrire des petits trucs de gosse, je me sentais très libre. Et il m'a fallu un peu me débarrasser de ce... Mais une fois que je m'en suis débarrassée, je pense que ce qui m'a aussi permis, enfin, autorisé à écrire, c'était justement cette fréquentation assidue des romanciers étrangers. C'est-à-dire que je crois que vous diriez ça aux États-Unis ou en Angleterre, que le roman est mort, tout le monde rigolerait. Il me semble qu'il n'y a pas cette espèce de complexe, encore une fois, de mise en doute systématique de la forme romanesque, qui a une plus grande confiance. Et moi, j'en ai profité. Ce qui est encore une fois étonnant, c'est que Valérie et Proust sont nés la même année, en 1871, à quelques mois près. Et tous les deux vont d'une certaine manière enterrer le roman. Valérie, c'est dans sa nuit de Gênes où il dit voilà, terminé, c'est même pas possible, le roman n'est même plus envisageable. Et Proust, qui a compris que le roman balzacien était mort, Zola est le dernier à avoir compris que c'était vain de faire comme si on était dans cette société stable qui continuait comme ça d'étaler ses classes et qu'on pouvait en rendre compte comme un naturaliste. Et donc il a cette... On sait qu'il attend la mort de sa mère pour se lancer, mais c'est autre chose. Il a compris qu'un roman à la Zola, c'était, ou à Balzac, c'était pas possible, et donc il va avoir ce subterfuge absolument génial. Je vais écrire le roman de l'impossibilité du roman. C'est-à-dire que officiellement, le narrateur, à la fin du livre, va se lancer enfin à écrire son livre. On n'en sait rien parce que le livre s'arrête. Donc peut-être qu'il est demain, il s'est couché et qu'il a encore procrastiné. Donc on voit déjà qu'il y a quelque chose là, qui s'est défait. Et ce qui s'est défait, c'est aussi Proust va faire rentrer la Première Guerre mondiale dans son livre alors qu'il le commence avant, et qu'au fond, ce qui disparaît avec la Première Guerre mondiale, si le roman n'est pas capable d'intégrer tout ça, c'est littéralement une fiction. C'est-à-dire qu'il nous raconte c'est littéralement une fiction. Ouais. Proust est complètement post-balzacien, et je pense d'ailleurs que Proust, c'est l'acmé. Et c'est ça aurait dû être l'acmé du roman réaliste psychologique, donc balzacien pour aller vite. Hein. Et je pense que on n'a pas tellement gagné à ce que des épigones continuent à faire du Proust. Je dis ça, enfin évidemment que c'est pas exactement du Proust, mais enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on a continué quand même à faire Proust a poussé jusqu'à des extrémités ultimes, à mon avis, la psychologie dans le roman. Et on est resté un peu là-dessus, c'est-à-dire que le niveau a un peu reflué, mais on a continué dans cette veine. Et à mon avis, on a trop continué, enfin, on a vraiment continué ad nauseam. Et il y a manifestement un public, hein, mais moi ça m'intéresse pas. Moi, dans mes romans, l'aspect psychologique, et pas du tout creusé parce que ça m'intéresse pas ou ça m'intéresse plus, si vous voulez. C'est-à-dire, bon, de temps en temps, il peut m'arriver que je lise un roman réaliste psychologique, que je trouve ça bien, mais je trouve pas ça très. Je peux trouver ça bien, mais pas très intéressant, en fait. Aujourd'hui, voilà. Je pense que ça, on en a fait le tour. Alors que le jeu de chat et de souris de la fiction et du réel, je trouve qu'il y a encore des choses nouvelles qui peuvent être faites. Ça a commencé comme ça. Comme une blague. Peut-être écrire, je me suis dit. Je crois que l'écrivain, c'est quelqu'un qui assume une jouissance de la langue. J'ai souvent le fantasme de changer totalement de manière de... La manière d'écrire, comme si je pouvais changer mon être. Non, mon être, maintenant, c'est greffé là-dedans. Une jouissance de la musique, on pourrait dire au sens très large du terme, de la langue. Effectivement, je me suis opposé à la reproduction. à l'héritage considéré comme un modèle. Je crois que la personne qui écrit est sans idée de livre, qu'elle a les mains vides, la tête vide, et qu'elle ne connaît de cette aventure du livre que l'écriture sèche et nue, sans avenir, sans écho, lointaine, avec ses règles d'or élémentaires, orthographe, sens. Je pense que dans le besoin de réel qu'on a aujourd'hui face au texte, Lise Bachmann, il faut sans doute ajouter le rapport écologique inquiet à la planète. Ça peut sembler lointain, je crois que c'est au contraire très proche, et les textes de Bruno Latour permettent de comprendre à quel point c'est proche. En gros, dans un monde abîmé, dans un monde qui, au fond, aujourd'hui, ne cesse de nous dire... Vous avez vécu dans une espèce de bulle, comme si la planète n'avait pas sa vie à elle, et aujourd'hui, y a une espèce de retour du réel, sous forme de le climat est en train de changer, etc., et on se prend ça dans la figure. En gros, il y a quelque chose qui est en rapport avec notre rapport au texte, c'est-à-dire que quand on lit de la littérature aujourd'hui, on a plus forcément envie d'être dans un rapport qui, au fond, défait des mécanismes. On a envie de construire. On a envie, donc, de voir ce que ça peut provoquer comme façon de faire, comme façon de refaire du savoir ensemble, comme façon de refaire des mondes possibles ensemble, etc. On a envie de construire. Et quand j'en ai parlé avec des étudiants, ils étaient très réceptifs à cette question-là, qui est, on leur apprend sans cesse à démonter les textes, mais au fond, aujourd'hui, ils ont plutôt envie de refabriquer du monde, quoi, plutôt que d'apprendre à le démonter. Dans l'esprit des lectrices et des lecteurs amateurs de romans, un roman raconte une histoire. Tiphaine Samoyo. Avec un certain sens de la continuité. Un roman apporte une forme d'asile ou d'appui dans un moment de l'existence, dans un moment du temps. Mais c'est l'idée qu'on se fait du roman, c'est l'imaginaire du roman. Je pense qu'il s'est installé comme forme majeure de la culture en étant cela, c'est-à-dire essentiellement un récit. Et ce récit peut être raconté de plein de manières. On peut commencer par le début, par la fin, par le milieu. Il peut faire l'objet de quantité de distorsions temporelles, mais néanmoins, il y a une relation du roman au récit. Pour moi, la relation fondamentale n'est pas du roman à la fiction, mais bien du roman à la narration. Je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, il puisse y avoir un vrai renouvellement du roman, puisque le besoin de narration ou le besoin de fiction s'inscrit ailleurs, enfin, est déployé par d'autres formes. Moi, je crois pas trop à la survie du roman. Mais il va évidemment continuer à exister. Et quand je parle de survie ou de vie, c'est précisément dans une dimension organique où il y a un renouvellement des formes, parce qu'il y a une organicité des genres littéraires. Et quand il n'y a plus véritablement de renouvellement, on peut penser que il est en mode survie. Avec les voix de Pierre Michon, Christine Angot, Jeanne Moreau, Nathalie Sarraute, Claudine Huneau et Michel Houellebecq, Mort du roman, avec Jean Rouault, Nathalie Léger, Tiphaine Samoyo, Julie Wolkenstein, Laurent Binet et Laure Limongi. Lecture Julie Wolkenstein et Romain Debecq de Lièvre. Coordination Perrine Kervran et Marie-Vonne Abolivier. Prise de son Claire Levasseur et Cédric Châtelus. Mixage Philippe Mercher. Mort du roman Christelle Le Polothèque et Nathalie Battus. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter avant d'entamer Les Misérables, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonna Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter où vous voulez et quand vous voulez, le podcast, sur l'application Radio France et ailleurs, et pour se parler, Twitter et même Instagram. Demain, troisième épisode, le retour du réel. Et pensez aux autres rendez-vous documentaires de France Culture, toute une vie, l'expérience, une histoire particulière et les pieds sur terre.